semble que l'éducation c'était acoustique de l'oreille puisse être guidée par un enregistrement des principaux signes d'auscultation cardiaque. C'est le but de ce disque qui gagnera à être écouté et réécouté dans le plus grand silence. Voici d'abord quelques exemples d'auscultation normale. On en place une pour nos familles, les potes en guenille, 9-3, blanc Ménil, Charlie Waits, la clinique 2000, le bébé est là, c'est pour les gens qui nous ont épaulés, XV3, 9-3, 7-7, je te présente plus des acolytes, Charlie Waits, papy l'alcoolique, à 3 on taf, au bloc, ensemble on forme la clinique, déjà les chiens gravitent comme des satellites, rien à foutre mec, tant qu'on fout nos hits en orbite. SC, CLC, Tulle, CLB, LOC, OBA, XBO et Lynch, DAVID, Chico, Garge, Bedolite, Zig, premier, MILI, la masque. Une bise de tonton chéri.